بسم الله الرحمن الرحيم. أقول بعد ذلك في سورة شورى الكونسلتاسيون في المسألة 60 بعد 100 160 مسألة في قوله تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. Dans la parole, dans le sens où il dit que tu les vois exposés, c'est-à-dire au feu de l'enfer, avilés, pris par l'avilissement, et qu'ils regardent d'un œil furtif. Verset 45. فقال المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة تدل على أن الكفار يوم القيامة ينظرون بعيون خفية ضعيفة النظر. وقد جاءت آية أخرى يتوهم منها خلاف ذلك وهي قوله تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Donc ce noble verset démontre que les kuffars yom al-qiyama verront d'un œil furtif, c'est-à-dire d'une vision faible. Et un autre verset est venu laissant apparaître le contraire. Dans le sens où Allah dit et nous t'avons enlevé de toi maintenant le voile et ton regard est perçant, ta vision est perçante aujourd'hui, en parlant au kafir. C'est-à-dire là, le verset montre que le kafir verra très bien. Surat Qaf, verset 22. قال الجواب هو ما ذكره صاحب الإتقان من أن المراد بجدة البصر العلم وقوة المعرفة. قال بصرك أي علمك ومعرفتك بها قوية من قولهم بصروا بذلك أي علما وليس المراد رؤية العين. وقال الفارسي يدل على ذلك قوله تعالى كشفنا عنك عطاءك. Donc là il y a un ta'wil qui a été fait par rapport à ce verset et que le fait de voir d'une vision perçante, une grande vision, le sens voulu par là en fait c'est l'ilm et le fait de bien connaître les choses, c'est-à-dire la certitude de la promesse. Donc dans le sens de Fabasaruka, c'est-à-dire ta science. Maintenant tu sais la chose telle qu'elle est. Du fait que Basura Bikaza, Mana Alima. Le verbe Basura Bikaza, le fait d'avoir vu une chose, c'est le fait d'avoir su une chose. Donc là c'est un ta'wil, mebni ala qara'in lorawiya. Ce n'est pas un tahrif, comme le font les gens de la bid'a. Qala, wa laysa al-muradu ru'yat al-'ayn. En fait, le sens voulu, ce n'est pas une vision faite avec les yeux. Et cela est prouvé par la parole dans le sens où Allah a dit que nous avons retiré aujourd'hui le voile. Rita Aka. Entendu par le voile, une forme de couverture, une chose qui t'empêchait de voir les choses. Et bien évidemment, cela veut dire quoi? Dans la clairvoyance, El Basira. Et non pas dans la vision en soi. Wa qala ba'd al-ulama basaruka al-yawma hadid ay tudriku bihi ما عميت عنه في دار الدنيا ويدل لهذا قوله تعالى ربنا بصرنا وسمعنا ورجعنا. Et cet ulama, il voit que le fait de, dans la parole d'Allah, dans le sens où il dit que ta vision aujourd'hui elle est perçante et forte, c'est-à-dire que tu perçois ce qui t'a été caché dans la dunya, les choses que tu ne pouvais pas voir. Et cela est prouvé par la parole d'Allah, dans le sens où il dit lorsque les kuffars diront ô notre Seigneur, nous avons vu, nous avons entendu, alors fais-nous revenir. As-Sajda, verset 12. Wa qawluhu wa ra'a al-mujrimuna an-nar fa dhannu annahum waqi'uha. Et dans qu'il dit également dans le sens que les criminels lorsqu'ils verront le feu, ils sauront alors qu'ils n'y échapperont pas. Al-Kahf, la caverne, verset 53. Donc là c'est les choses qu'ils voient fil akhira qu'ils ne voyaient pas en cette dunya. وقوله أسمع بهم وبصير يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. Il dit comme ils verront et entendront bien le jour où nous viendrons. Cependant les injustes aujourd'hui sont dans un égarement évident. Surat Maryam, verset 38. Donc là il y a une différence entre la vision fi dunya et celle qu'il y a fi l'akhira. قال ودلالة القرآن على هذا الوجه الأخير ظاهرة فلعله أرجح. Donc l'auteur voit que les preuves données par le Coran penche pour cet avis-là, le deuxième. C'est-à-dire que la vision forte, c'est celle qu'il aura fil akhira, des choses qu'il ne voyait pas dans la dunya. Et pour lui, c'est le radir, c'est l'avis qui est le plus prépondérant. Bien que Sahib al-Khan, lui, s'est contenté de ne citer que le premier avis. Wallahu ta'ala alam, walhamdulillahi rabbil alamin.